Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la crise des otages à l'ambassade américaine de Téhéran en 1979. Pour nous, le Shah d'Iran n'était pas seulement un simple Iranien et qui avait trahi son pays. C'était un élément, c'était un agent de l'impérialisme américain. Et cela, le peuple savait très bien. Donc nous n'étions pas en guerre avec un agent, mais nous étions en guerre avec un ensemble qui était l'Amérique. Nasser Soltani à l'émission Hebdo Dimanche le 2 décembre 1979, un mois seulement après le début de l'occupation de l'ambassade américaine à Téhéran. À partir du moment où le Shah d'Iran est hospitalisé aux États-Unis pour y soigner un cancer, un groupe d'étudiants iraniens complote dans le but d'occuper l'ambassade américaine à Téhéran. Et le 4 novembre 1979, 66 Américains y sont pris en otage. Ces étudiants, partie prenante de cet Iran en guerre contre l'Amérique dont parlait Nasser Soltani, ils exigent l'extradition du Shah en échange de la libération des otages américains. Au total, une cinquantaine de ces otages resteront finalement prisonniers de leur ravisseur pendant 444 jours. La situation est extrêmement tendue aux États-Unis. Le pays entier suit les épisodes de l'occupation de l'ambassade américaine à Téhéran. Les otages, une soixantaine, étaient aujourd'hui à leur cinquième jour de séquestration et Washington s'inquiète de leur sort. Mais malgré les immenses pressions de la part de certains sénateurs, aussi bien que de la population en colère, la Maison-Blanche a réagi avec calme et prudence dans ses déclarations, dans l'espoir d'arriver à négocier avec les autorités iraniennes. Le secrétariat d'État américain a même pris contact avec l'Organisation de libération de la Palestine, qui a offert avant-hier sa médiation. Bernard de Rome, au téléjournal du 8 novembre 1979, au tout début de cette très longue crise des otages américains en Iran, pour nous raconter cette histoire dans laquelle le Canada va d'ailleurs jouer un rôle important. On va y revenir à la toute fin de cette émission. Mon invité est Karine Prémont, qui est professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Karine Prémont, bonjour. Bonjour. Quelle importance a eu, Karine, de quelle manière aussi sera importante cette prise d'otages à l'ambassade américaine dans l'histoire des États-Unis? Je pense que c'est une crise très importante pour la symbolique, pour la psyché américaine aussi, parce que c'est une des premières fois où on remettait en question la puissance américaine, où on disait les valeurs américaines ne nous conviennent pas, on ne les accepte pas. Donc, on a défié cette Amérique toute puissante dans les années 70. Ça a aussi beaucoup contribué à redéfinir la présidence de Carter, à l'inscrire dans une espèce d'échec face aux ennemis des États-Unis. Ça va être un gros boulet pour lui. Ça va être un gros boulet. Et aussi, c'est une crise qui va être très suivie par la population américaine. On va vivre ça un peu comme un feuilleton. On va être très inquiet de ce qui se passe. Et vous l'avez dit, c'est une crise qui s'éternise. Mm-hmm. Alors, les médias et la population vont vraiment accorder beaucoup d'attention à ce qui se passe à ce moment-là, vont être très friands d'informations qui proviennent de l'Iran. 35 % des informations télévisées aux États-Unis pendant cette crise d'otage sont consacrées, 35 % de la couverture est consacrée à ça. À chaque bulletin de fin de soirée, 35% de ce temps-là est dédié à la crise des otages. On rappelle le nom des otages, on rappelle leurs conditions de détention, on rappelle les circonstances. On veut absolument garder ça à la mémoire et en même temps faire pression, bien sûr, sur l'administration Carter pour trouver une solution. Mm-hmm. Bon, avant d'aller un peu plus loin, un peu de contexte. Comment on en arrive à cette crise des otages en 1979? Bien, en fait, c'est la déliquescence d'un régime. C'est l'essoufflement d'un régime qui est là depuis 1941, le régime du Shah Pahlavi, qui est monarque et qui est à la tête de l'Iran depuis la mort de son père. Et donc, dans les années 70, il y a cet essoufflement des régimes qui sont un peu beaucoup oppressifs, disons-le, en particulier dans son cas. Donc, un régime qui est répressif, une police secrète aussi qui est omniprésente, une occidentalisation poussée aussi souvent un peu en heurtant les valeurs traditionnelles des gens ou les valeurs culturelles des gens. Alors, ce Shah est très proche des États-Unis. Mm-hmm. Alors, il y a un choc culturel d'une certaine façon. Et cette proximité américaine aussi va devenir très pesante, très lourde, beaucoup moins subtile qu'elle ne l'était il y a quelques années. Alors, tout ça va un peu peser sur le régime iranien. Et en janvier 78, les premiers mouvements de contestation du régime vont commencer à s'organiser. Il y aura la loi martiale, cependant, qui sera imposée pour réduire la portée de ces manifestations-là. Il y aura évidemment des émeutes, ce genre de choses. Et la police et l'armée, en fait, vont réprimer assez sauvagement ces manifestations-là. Et le moment tournant, je vous dirais, c'est vraiment le 28 décembre 1979, novembre 1978 quand le Shah va annoncer qu'il doit quitter temporairement le pays pour aller se faire soigner aux États-Unis. Ouais. Et c'est là justement où l'Ayatollah Khomeini, qui est en exil depuis 15 ans, va dire « je vais revenir prendre contrôle de ce pays qui est le mien » et il va revenir en Iran le 1er février 1979 et ça va lancer la révolution iranienne là, qui va s'échelonner pendant un bon moment. Parce qu'il est acclamé, il y a cette insatisfaction qui gronde depuis déjà presque 2 ans. Il est acclamé comme un héros quand il rentre à Téhéran, oui. L'Ayatollah Khomeini. Il faut dire que donc il prend le pouvoir, c'est la révolution islamiste, c'est une république, très rapidement qu'on installe une république islamiste en bonne et due forme, il y a un référendum, les Iraniens sont derrière lui, et les États-Unis, on le voit bien déjà, qui sont depuis toujours très directement associés au Shah, c'est une cible de ce nouveau régime, ce qui fait qu'il y a avant la prise d'otage qui va fonctionner, Karine Prémont, il y a déjà 2 tentatives qui surviennent en 1979. Exact. D'abord, le 14 février 1979, l'ambassade a été prise d'assaut par des partisans de Khomeini. Mais l'ambassade a été rapidement libérée en quelques heures là, à ce moment-là. Et il y a une autre tentative qui va avoir lieu en septembre de la même année pour la même raison, c'est-à-dire un manque d'organisation, de planification. Là, cette prise d'ambassade ne va pas se concrétiser. Mais il y a déjà au moins cette volonté de dire aux Américains, nous ne voulons plus de vous, nous en avons contre vous, en fait. C'est une cible, clairement. Il y a beaucoup d'anti-américanisme en Iran et particulièrement sous le régime de Khomeini. Oui, parce qu'il faut savoir aussi que cet anti-américanisme-là remonte à quelques années auparavant parce qu'il faut se rappeler que ce sont les États-Unis aidés la Grande-Bretagne qui avaient notamment permis de renverser le premier ministre Mossadegh en 1983. Et évidemment, c'est quelqu'un qui était hostile aux compagnies pétrolières occidentale. Alors, et la CIA avait entraîné aussi la police secrète du Shah. Donc, la présence américaine, là, ça fait longtemps qu'elle pèse aux Iraniens. Alors, qu'est-ce qui se passe ce fameux 4 novembre 1979? Ça se passe très tôt le matin. Donc, avant 7 heures le matin, il y a environ 400 étudiants islamistes qui vont prendre d'assaut cette ambassade américaine à Téhéran. Et très rapidement, ils vont prendre en otage les 66 personnes qui s'y trouvent. Évidemment, on peut imaginer que le président américain va dénoncer très vigoureusement cette prise d'otage-là, va demander immédiatement de relâcher les otages, de libérer les otages, mais aussi rapidement, on va se rendre compte qu'il n'y a pas de négociation possible, ni avec les étudiants, ni avec le nouveau gouvernement iranien, en fait. Oui. Et ces otages, évidemment, c'est du personnel, c'est des fonctionnaires, du personnel diplomatique, des Américains, que des Américains. Oui, quelques agents de la CIA aussi qui sont là pour protéger généralement certains dignitaires, ce genre de choses. Donc, effectivement, c'est du personnel diplomatique, ce ne sont pas des civils américains, des touristes. Qui sont, cela dit, ces fameux étudiants iraniens qui prennent d'assaut l'ambassade américaine de Téhéran le 4 novembre 1979 et que veulent ces étudiants? Extrait du téléjournal du 29 février 1980, près de 4 mois après le début de l'occupation de l'ambassade américaine de Téhéran. Les étudiants islamiques qui détiennent les otages depuis le 4 novembre, depuis 118 jours, qui sont-ils? En fait, on sait très peu de choses à leur sujet. Radio-Canada a appris qu'ils sont étudiants en génie à l'Université de Téhéran, qu'ils ont en moyenne 18 ou 19 ans. Ils n'appartiennent à aucune formation politique, ils le disent eux-mêmes. D'ailleurs, ça a été confirmé par d'autres sources, dont le vice-recteur de l'Université de Téhéran. Combien sont-ils à détenir les otages? On l'ignore. Mais ce qu'on a appris aussi du vice-recteur de l'université, c'est qu'au moins une centaine d'étudiants de la faculté de génie ont quitté leur cours depuis le début de l'occupation de l'ambassade. Une équipe de Radio-Canada, le journaliste Gérard Pau de présent et le réalisateur Régent Chaillé de ce soir, se sont rendus à Téhéran où ils ont interviewé il y a 8 jours un porte-parole des étudiants qui détiennent les otages. Le problème de l'extradition du Shah est lié au problème des États-Unis. Le Shah était un agent des États-Unis. Les États-Unis donnaient des ordres au Shah et il les exécutait. La commission doit donc aborder les 2 questions en même temps. Le travail de la commission d'enquête doit mener à l'extradition du Shah, après quoi les otages, les espions américains, seront libérés. Alors c'est clair, Karine Prémont, les étudiants qui occupent l'ambassade américaine de Téhéran veulent l'extradition du Shah d'Iran. Qu'est-ce qu'on sait, avec le recul, qu'est-ce qu'on sait de toutes ces bonnes questions que posait Bernard de Rome 4 mois après l'occupation de l'ambassade? À ce moment-là, il y avait peu de réponses. Qui sont-ils vraiment, ces étudiants? Dans quelle mesure ils sont indépendants ou au contraire totalement liés au régime de Khomeini? En fait, il y avait déjà des bonnes pistes à ce moment-là, c'est-à-dire qu'effectivement, il y en avait plusieurs qui étaient des étudiants universitaires, mais il y en avait beaucoup d'autres, une majorité, en fait, de personnes qui étaient là, qui n'étaient pas nécessairement des étudiants. C'était des partisans du retour de Khomeini, essentiellement. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que effectivement Khomeini et son entourage télescopaient un peu ces actions-là, contrôlaient ces gens-là, les finançaient également. Et donc, en termes d'indépendance politique, là, c'était pas tout à fait le cas. Et c'était pas nécessairement spontané non plus. On l'a vu avec les autres tentatives qui s'étaient produites auparavant. Donc, il y avait une volonté concertée, organisée, de s'en prendre à l'ambassade américaine. Vous nous avez déjà dit, évidemment, que Jimmy Carter, très vite, va demander la libération des otages. Autrement, au début, là, quand l'assaut est donné contre l'ambassade américaine, comment réagit Washington? Au début, effectivement, ce qu'on veut, c'est la négociation, c'est la libération des otages sur le champ. On se rend compte rapidement que ce n'est pas possible. Évidemment, Khomeini va demander la libération là, rapide de quelques otages, notamment les 8 otages afro-américains et les 5 otages femmes qui sont à l'ambassade, parce qu'il considère que ce sont des minorités qui sont également oppressées, opprimées par le gouvernement américain. Alors, il décide de les libérer aussi. Mais là, on se rend compte qu'il n'y a aucune volonté de négocier. Tout ce que Khomeini demande, c'est effectivement le retour du Shah en Iran pour être jugé. Et les États-Unis refusent complètement parce qu'ils ont peur de l'escalade de ces négociations-là. Ils ont peur de ce que l'Iran pourrait demander par la suite. Ils ne font pas tellement confiance non plus à Khomeini. Alors, on ne veut pas lui donner les moyens de nous manipuler autrement. C'est symboliquement très fort. Il n'est pas question pour les Américains de renvoyer en Iran, avec tout ce que ça voudrait dire, le Shah qui a été leur protégé pendant des années et des années. Et de toute façon, les Américains ont depuis toujours ce credo de ne jamais négocier avec des preneurs d'otages ou des terroristes, dépendamment des circonstances. Alors, ils ne veulent surtout pas commencer à procéder de cette façon. Il y aura... Donc, Carter voit bien qu'il n'y a aucun moyen de négocier avec Khomeini. Il y aura donc des sanctions économiques. On essaiera d'appuyer sur ce bouton-là. En avril 80, on va déterminer que là, les choses doivent avancer. Ça fait déjà quelques mois que les otages sont coincés. Alors, sanctions économiques, on va rompre les relations diplomatiques également. Sévère embargo là qui va affecter tout le pays parce qu'on se dit ben puisqu'on peut pas y aller de la façon la plus ouverte possible, on n'a pas le choix parce qu'on n'achète plus de pétrole exactement, on va geler les avoirs aussi des leaders iraniens aux États-Unis. Alors on utilise tous les moyens économiques essentiellement pour mettre un terme à cette crise. La population, on l'a vu au tout début de l'émission, c'est très, très suivi, cette prise d'otage d'Américains à l'ambassade de Téhéran. Comment réagit la population américaine à cette affaire-là? Il faut se remettre un peu dans le contexte aussi parce que la présidence de Carter, c'est une période de morosité économique, c'est une période de défaitisme également. On sort, il n'y a pas si longtemps encore, des présidences de Nixon, de Ford, d'une crise économique sur la scène internationale. Les États-Unis, effectivement, ne sont plus aussi fermes par rapport aux crises qui surviennent qu'ils ne l'étaient auparavant ou ne le seront dans les années 80 sous Reagan. Alors, il y a une certaine morosité qui existe. Alors, la crise des otages va secouer les Américains, va permettre un regain de patriotisme. On va demander aux élèves dans les classes d'écrire des cartes de vœux pour les otages, par exemple, dans le temps des fêtes. On va demander aux gens de mettre des drapeaux américains dans leurs fenêtres pour montrer leur soutien. On le disait tantôt, les bulletins télévisés vont consacrer beaucoup de temps d'antenne à cette crise-là. Ils vont s'efforcer aussi beaucoup de personnaliser les otages, les humaniser. À la fois pour les preneurs d'otages, évidemment, on sait comment c'est important de faire ça, mais aussi pour le moral américain. Donc, on va vraiment se rallier, là, on va se serrer les coudes pour démontrer à quel point c'est important qu'on ramène ces gens-là à la maison. Mais c'est l'impasse, toujours et toujours, ce qui fait que Jimmy Carter décide de tenter une opération avec un commando. Il tente de libérer les otages. Ça se passe le 24 avril ou ça se passe pas. Le 24 avril 1979, ça s'appelle cette opération l'opération Eagle Claw, serre de l'aigle en français, et ça va vraiment être un échec total. On écoute les explications du président Carter le 25 avril 1979, au lendemain justement de cette non-opération. Late yesterday, I canceled a carefully planned operation. Tard hier soir, j'ai annulé une opération soigneusement planifiée qui était en cours en Iran pour mettre en position une équipe de sauvetage dans le but de rapatrier les otages américains qui sont tenus captifs depuis le 4 novembre dernier. Des problèmes avec l'équipement des hélicoptères de sauvetage nous ont forcés à annuler la mission. Equipment failure in the rescue helicopters made it necessary to end the mission. As our team was withdrawing, alors que notre équipe se retirait, tel que je l'avais ordonné, deux de nos appareils américains sont entrés en collision sur le sol après un ravitaillement dans une région désertique éloignée en Iran. Desert location in Iran. Alors, qu'est-ce qui se passe, Karine Prémont, lors de cette fameuse opération Eagle Claw? Évidemment, c'est une opération qui va être montée en catastrophe parce qu'on sent la pression des Américains, on sent la pression des médias, on sent la pression pour faire quelque chose parce que les négociations, justement, n'aboutissent pas, ne démarrent même pas, ne s'ouvrent même pas. Alors, on va rapidement mettre sur pied cette opération de sauvetage. Donc, mauvaise planification, déjà. On a essayé de faire les choses trop rapidement. Plusieurs problèmes techniques, notamment liés aux tempêtes de sable. On n'avait pas prévu qu'en survolant des déserts, il y aurait des tempêtes de sable. Et donc, il y a des hélicoptères comme ça qui vont s'écraser au sol, victimes de ces tempêtes de sable. Il y en a qui ne pourront même pas décoller à cause de ces tempêtes-là. Et au final, il y a 3 des 8 hélicoptères envoyés qui sont tombés en panne. Un autre s'est écrasé. 8 Marines vont mourir. Ils sont enterrés au cimetière d'Arlington. Mais vraiment, c'est une accumulation d'erreurs qui va faire en sorte que cette opération-là va beaucoup ternir aussi la capacité de Carter à résoudre la crise. C'est là que les Américains vont se dire, peut-être que ce type-là n'est pas l'homme qu'il nous faut. Peut-être que ce type-là ne peut pas trouver de solution. Mm-hmm. Puis on va y revenir à l'impact que ça aura, parce que ça en aura un dans la campagne présidentielle dans un instant. Mais un petit mot sur les otages, parce que à la suite de l'opération Eagle Claw, ces otages, évidemment, les Iraniens comprennent qu'ils sont vulnérables. Mm-hmm. Ils sont tous au même endroit, les otages. On va les disperser aux 4 coins de Téhéran. Profitons-en pour parler un petit peu des conditions. Ça va durer 444 jours, cette prise d'otages. Dans quelles conditions ils seront détenus? Mais la plupart vont livrer des témoignages sur les mauvais traitements qu'ils ont reçus. Ce sont surtout dans des conditions de vie là qui sont pas tellement intéressantes. On est enfermé dans une ambassade, on est enfermé dans quelques autres lieux cachés, secrets. Il fait noir, on peut pas bouger. On est quelquefois ligoté. Mais c'est surtout une violence psychologique dans la mesure où ces gens-là vont être régulièrement menacés d'exécution. Mmh. On va leur dire ben votre gouvernement veut pas venir vous chercher, ils vous ont abandonné. Donc il y a beaucoup de témoignages à cet effet-là. En même temps, ils n'ont pas tous parlé. On peut imaginer le traumatisme, mais les témoignages dont qu'on a entendus vont dans ce sens-là, de mauvais traitements, surtout psychologiques, je vous dirais. Alors, venons-y à cette campagne présidentielle, parce que cette très, très longue prise d'otage se déroule simultanément mm-hmm. à une campagne présidentielle aux États-Unis. Quel poids va avoir cette crise des otages dans la campagne de 80? C'est vraiment un événement majeur, un élément majeur, en fait, dans la campagne. La campagne électorale de Carter bat déjà de l'aile là, en partant parce que Carter va voir son appui diminuer tout au long de l'année 80, notamment en raison de cette crise, mais aussi des circonstances dont on a parlé précédemment, la morosité économique notamment, le manque d'envergure de Carter mm-hmm. sur les questions internationales, à tout le moins la perception de ce manque d'envergure-là. Et il a en face de lui le républicain Ronald Reagan, qui n'est pas le premier venu non plus, qui a un discours extrêmement ferme, extrêmement clair à l'égard des ennemis des États-Unis à l'égard de ce qu'il faut faire sur la scène internationale, de la position à adopter. Alors, Carter ne fera pas le poids et il va perdre cette élection-là de façon magistrale, si je puis dire, parce que Reagan va réussir à obtenir 489 votes au collège électoral contre 49 pour Carter. Alors, c'est vraiment... Il a réussi, Carter, à gagner seulement 6 États sur l'ensemble du territoire. C'est très peu. Une des plus grosses raclées. Une des plus grandes raclées, effectivement, de l'histoire contemporaine. Et Carter lui-même est convaincu que c'est la crise des otages, en fait, qui est la raison principale de sa défaite en 1980. Quelques jours après cette défaite électorale de Jimmy Carter, le 4 novembre 1980, l'administration américaine va tenter une première approche auprès de Téhéran pour entreprendre des négociations, pour qu'il y ait de nouvelles négociations. Ça ne marche pas. Quelques jours plus tard, le 10 novembre, l'ayatollah Khomeini accepte de reprendre les négociations. Pourquoi? Bien, il accepte. Notamment, il y a plusieurs éléments qui lui font pencher de ce côté. Premièrement, il faut dire que le Shah est décédé en juillet. Alors, il était en exil en Égypte à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, le retour du Shah comme condition, bien, forcément, ça peut plus se poser. Il y a aussi, en septembre 80, le fait que l'Irak va envahir l'Iran. Ça, c'est le début de la guerre entre les deux pays qui va durer jusqu'en 1989. Alors là, il y a une pression extérieure aussi qui vient peser sur l'Iran. Et les sanctions économiques imposées par les États-Unis commencent à faire beaucoup de dégâts aussi. Et là, la population commence à douter de la pertinence mm-hmm. des changements apportés par Khomeini. Parce que si économiquement c'est difficile, bien forcément, il y a un problème. Et là, c'est là que les négociations vont s'ouvrir sous l'égide du ministre des Affaires étrangères de l'Algérie notamment et du secrétaire d'État américain Warren Christopher. Et c'est ces hommes-là qui vont réussir à ficeler une entente. Qu'est-ce que va prévoir cette entente? Ça va être de tout simplement dégeler les avoirs iraniens en sol américain en échange des otages. Donc, les États-Unis vont rendre 8 milliards de dollars des avoirs du Shah qui étaient aux États-Unis. Et les otages, ensuite, seront officiellement libérés le 20 janvier, soit 12 minutes après le discours inaugural de Ronald Reagan. Bon, ça, c'est fascinant. Il y a eu toutes sortes de théories qui ont été échafaudées autour de cette coïncidence. Ils sont libérés 12 minutes après le discours d'assermentation de Ronald Reagan. Qu'est-ce qu'on sait avec le recul de tout ce qui a été dit? Parce qu'il y a eu toutes sortes de rumeurs. Les républicains ont négocié avec Téhéran, ne voulaient absolument pas que Carter, que les otages soient libérés pendant que Carter était encore techniquement président. Qu'est-ce qui est vrai là-dedans? En fait, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des dizaines d'enquêtes au Congrès. Il y a des journalistes d'enquête également qui ont fouillé ce dossier-là, bien sûr. Et après des décennies de témoignages et de fouilles dans la paperasse et de commissions d'enquête, en fait, on a découvert que c'était pas du tout ça qui s'était passé. C'était pas du tout Reagan et son entourage qui a négocié quoi que ce soit avec l'Iran. Ce sont les circonstances de la diplomatie qui font ça. Et d'ailleurs, c'est Carter qui va ramener les otages au pays de l'Allemagne en termes de symbole pour bien démontrer, en fait, que c'est lui qui est associé finalement au règlement de cette crise-là. Mais on n'a pas de preuves, en tout cas, à l'heure actuelle, qui démontrent que c'est Reagan qui est impliqué dans cette négociation-là. On voit pas comment ça aurait pu être fait. Quel rôle va jouer le Canada dans cette affaire-là, Karine Prémont? C'est le Canada qui va permettre de libérer ces otages qui s'étaient réfugiés chez l'ambassadeur Taylor. Le Canada va émettre des passeports canadiens pour ces otages qui vont se faire passer pour des cinéastes et qu'on va réussir à faire quitter le pays le 28 janvier 1980. Il y a le film Argo qui est sorti il y a quelque temps qui essaie de mettre sur le compte de la CIA ce scénario un peu étrange, mais en réalité, c'est l'ambassade canadienne qui a joué ce rôle. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de toute cette affaire-là dans la mémoire américaine? Je pense qu'il reste cette vulnérabilité potentielle des États-Unis depuis. Je pense qu'on comprend que les États-Unis, chez les Américains, à tout le moins qu'on est vulnérable à l'étranger. Il y a aussi ce fort anti-américanisme qui subsiste au Moyen-Orient. Il faut dire que les États-Unis ne vont pas s'aider non plus dans les années subséquentes. Et je vous dirais que ce qui reste de façon plus notable, c'est vraiment les relations très difficiles entre l'Iran et les États-Unis depuis. On l'a vu avec le régime de Ahmadinejad, par exemple. On l'a vu après le 11 septembre. Obama a réussi à mettre une espèce de bombe sur cette relation-là avec le traité nucléaire, mais ça reste toujours des ennemis potentiels, des acteurs qui sont incapables d'avoir une relation harmonieuse en raison de tout ce passé qu'ils ont ensemble. Karine Prémont, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke et collaboratrice régulière d'Aujourd'hui l'Histoire. Merci, Karine. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Michael Tremblay, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Louis-Pascal Loriot. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.